Amis auditeurs, amis auditrices, amis auditrans, bonjour. Dans la série Les Chroniques Virales, voici les ides de mai. Si les calendes se jouent comme prévu, ajoutant du feu au rire et à la rage qui nous consume, nous sortirons de la farce aux ides de mai. Note de Radio Parasite, un id est un poisson d'eau douce ressemblant au gardon ou, au jeu de piquet, chacun des deux coups que l'on joue pour la décision d'un pari. Paru dans lundi matin 236, le 30 mars 2020. Écoutez. Après les calendes d'avril, attention aux ides. Les calendes, c'est la farce qui est en train de se préparer derrière les portes fermées de tous les Élysées, celle pour laquelle les responsables ont longtemps fait des répétitions conscientes et inconscientes. Attention aux ides si la situation empire. Le devin nous dit, attention aux ides de mars, référence Shakespeare, Jules César, Acte I, scène 2. Les dirigeants sont parmi les premiers à attraper le virus. Ils sont tous atteints, surtout les asymptomatiques, les super-propagateurs, les hyper-contagieux qui nous infectent avec leur avidité au-delà de tout besoin. Il faudra les confiner tous. On enlèvera les glaces dans les palais du pouvoir pour en faire des miroirs de vérité qui réfléchiront leurs torts. Puis on les remettra en place pour qu'ils en gardent à jamais la mémoire. Non parce qu'ils sont chers et beaux, mais parce que, une fois exposés à la laideur, ils ne s'en remettront pas. Attention aussi si on nous laisse mourir. C'est dans le dernier souffle de ceux à qui l'on donne l'espoir d'être guéri que se révèle le désir de vivre. Cet espoir fait partie de nos droits naturels. C'est notre droit suprême, car il nous pousse à revendiquer un monde qualitativement meilleur. Il nous incombe de réfléchir à la manière dont nos actions d'aujourd'hui peuvent préfigurer, une fois la crise passée, celle de l'avenir. On objectera peut-être que ce n'est pas le moment de penser aux utopies. Pourtant, il n'en est pas de meilleur. L'épidémie nous a plongés dans une expérience naturelle qui s'impose de plus en plus comme une expérience sociale sans précédent. Nous avons tant à apprendre de ce que nous vivons aujourd'hui, et nous en apprendrons encore tout au long des années à venir. Notre seul espoir en tant qu'êtres humains est que ces leçons profiteront, universellement, à tous. Alors il nous faudra aiguiser nos esprits critiques, chaque jour de plus en plus. Si les calendes se jouent comme prévu, ajoutant du feu au rire et à la rage qui nous consume, nous sortirons de la farce aux ides de mai. Nous en sortirons affûtés, affilés, tranchants. Entre-temps, restons sur place. Entre-temps, il nous reste à rester à l'affût. On a de la chance quand l'impuissance au sommet se répand. Si les calendes se jouent comme prévu, ajoutant du feu au rire et à la rage qui nous consume, nous sortirons de la farce aux ides de mai. Paru dans lundi matin 236, le 30 mars 2020. Un texte de Victor Strugalo. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt. Et bon baiser numérique.